Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, centre Europe Direct, territoire lorrain. Aujourd'hui, on va parler de l'Union Européenne de l'énergie. Camille, peux-tu commencer par nous donner quelques éléments de contexte ? Bien sûr, Yves. Alors, si on fait un petit retour dans le passé, bon, un passé relativement récent, en 2021, l'Union européenne dépendait pour 55,5% de sa consommation d'énergie de ses importations, selon les dernières données d'Eurostat, l'Office de statistiques de l'Union européenne. Le reste de l'énergie était produite sur le sol européen. Alors on observe aussi que sur le long terme, la dépendance énergétique européenne a augmenté depuis 1990. À l'époque, les importations d'énergie ne représentaient que 44% du total. Et cela paraît beaucoup. Oui, en effet, quand on regarde dans le détail, on observe qu'en 2020, l'Union européenne dépendait de la Russie pour 24,4% de ses approvisionnements énergétiques. Sur l'ensemble des importations énergétiques des pays de l'UE, 41,1% du gaz, 25,7% du pétrole et 52,7% des combustibles solides étaient russes. Est-ce pareil dans chaque État membre de l'Union européenne ? Alors non, hein, il y a de grandes disparités hein, selon les États. Alors selon les données de 2021, certains pays dépendaient presque exclusivement de sources d'approvisionnement extérieures. C'est le cas notamment de Malte hein, à 97%, du Luxembourg à 92,5% et de Chypre à près de 90%. Quand d'autres sont moins exposés comme l'Estonie, la Suède ou encore la Roumanie. Comment les États membres de l'Union européenne décident-ils de leur politique énergétique ? Eh bien, chaque État membre décide lui-même de ses sources d'approvisionnement et de son mix énergétique. Est-ce que cela signifie que rien n'est mené au niveau européen ? Alors si, hein, suite à l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a très vite réagi. La Commission européenne a lancé un plan baptisé RePowerEU en mai 2022. Son objectif, c'est de réduire massivement les importations de gaz russe et de s'en passer totalement à l'horizon 2027. Un vrai défi alors que la Russie couvrait plus de 40% des importations européennes en gaz naturel avant le déclenchement du conflit. Un chiffre qui est quand même tombé sous la barre des 13% en novembre 2022. Alors vous avez mentionné le plan RePowerEU. Quelle est la stratégie du plan RePowerEU ? Alors la stratégie repose sur quatre piliers. Économiser de l'énergie, remplacer les énergies fossiles russes par d'autres hydrocarbures, promouvoir les énergies renouvelables et investir dans les nouvelles infrastructures comme des terminaux de gaz naturel liquéfié. Mais tout cela a un coût. Oui, hein, ce vaste chantier stratégique nécessite, selon la Commission européenne, 210 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici à 2027. Alors pour le financer, la Commission européenne compte en partie sur les économies réalisées suite à la réduction des importations russes, hein, 100 milliards d'euros par an, et sur les prêts non utilisés du plan de relance européen, 225 milliards d'euros. Alors chaque pays pourra présenter son plan de réforme et d'investissement pour recevoir une aide européenne pour atteindre les objectifs de RePowerEU. Merci Camille, merci Adam. On marque une petite pause en musique avec la chanson When We Gonna Learn de Jamiroquai. Yeah, yeah, have you heard the news today? Our people right across the world are pledging they will play the game. Victims of a modern world, circumstances brought us here. Armageddon's come too near, too near now. Farsight is the only key to save our children's destiny. The consequences are so grave, so, so grave now. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the laughter of the was. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe On Air, présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle de l'Union Européenne de l'énergie. Et on a abordé un peu plus tôt le plan RePowerEU qui vise entre autres à assurer à l'Union Européenne une meilleure indépendance énergétique en se passant des énergies fossiles russes, à promouvoir davantage les énergies renouvelables et à investir dans des nouvelles infrastructures comme des terminaux de gaz naturel liquéfiés. Mais ce n'est pas tout. Non, Yves, l'Union européenne s'attaque désormais à l'achat de gaz commun au niveau européen et au nouveau mécanisme Aggregate EU. Adam, peux-tu nous en dire plus sur qu'est-ce que le mécanisme Aggregate EU ? Aggregate EU est le nouveau mécanisme d'agrégation de la demande et d'achat commun de gaz au niveau de l'Union européenne. Il a été créé suite au règlement sur la solidarité qui avait été proposé par la Commission en octobre 2022, approuvé par les ministres de l'énergie en novembre et adopté formellement en décembre 2022. Il s'agit d'un des moyens de la boîte à outils de l'Union européenne pour faire face à la crise énergétique. Et quel est l'objectif alors poursuivi par ce règlement ? Eh bien, le règlement oblige les États membres à mettre en commun la demande de volume de gaz équivalent à au moins 15% de leurs objectifs respectifs de remplissage des installations de stockage. Concrètement, comment cela fonctionne ? Ce mécanisme permet aux entreprises d'agréger leurs demandes de gaz et de mettre en correspondance avec les offres d'approvisionnement les plus compétitives sur le marché mondial. Aggregate EU prépare une série d'appels d'offres pour les fournisseurs, grâce auxquels les entreprises de l'Union européenne pourront acheter à la fois du gaz de gazoduc et du GNL sur le marché mondial, à l'exclusion des approvisionnements russes. Le mécanisme devrait non seulement représenter une opportunité pour les gros revendeurs, mais aussi rapprocher les clients de petite taille, en particulier dans les pays enclavés, du marché régional ou mondial du gaz. À quelle stratégie cela participe ? Bien, la mise en commun de la demande et des achats communs sont l'un des piliers des travaux de la plateforme énergétique de l'Union européenne qui a été créée en vue de diversifier l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la décision collective de l'Europe de mettre fin à sa dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles russes. Il a été aussi mentionné la plateforme énergétique de l'Union européenne. Adam, peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, la plateforme énergétique de l'Union européenne a été lancée en 2022 pour répondre à la nécessité de se diversifier afin de s'affranchir du gaz russe et d'aider tous les États membres de l'Union européenne et les parties contractantes de la communauté de l'énergie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Moldavie, Monténégro, République de Macédoine du Nord, Serbie, Ukraine, à assurer l'approvisionnement en gaz pour l'hiver 2023-2024. Un groupe de travail spécifique a été créé au sein de la Commission à l'appui de ce processus. Un groupe consultatif sectoriel a été créé et se réunit régulièrement pour aider la Commission en ce qui concerne la dimension industrielle. 5 groupes régionaux ont été créés pour recenser les besoins, les possibilités d'utilisation commune des infrastructures et les nouveaux fournisseurs potentiels. La plateforme a également joué un rôle essentiel dans les efforts de diversification au cours des derniers mois, en facilitant la signature de protocoles d'accord avec les principaux pays partenaires exportateurs de gaz et en soutenant les actions de sensibilisation au niveau international à l'appui du plan RePowerEU. Et quels sont les objectifs à atteindre alors pour la demande et les achats communs de gaz ? Eh bien, les États membres de l'Union européenne doivent avoir rempli leurs installations de stockage de gaz à 90% de leur capacité au plus tard, le 1er novembre 2023. Les installations de stockage de gaz étaient remplies à 57% au 24 avril 2023. Quelle valeur ajoutée revêt pour les entreprises la participation à l'agrégation de la demande et aux achats communs de gaz ? Alors pour les entités de plus petite taille ou établies dans des pays enclavés, il est particulièrement intéressant d'obtenir un approvisionnement stable en gaz à des prix plus bas en accédant à de nouveaux fournisseurs et en tirant parti du poids collectif du marché de l'Union européenne. Pour les fournisseurs, la plateforme offre la possibilité d'obtenir des contrats pour des volumes agrégés de gaz et d'avoir accès à des nouveaux marchés et à de nouveaux clients. Merci Adam, merci Camille pour ces explications. C'était la chronique Europe On Air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À très bientôt Yves. À bientôt.